Mon enfant de Berlin, Mon enfant de Berlin. Dan Wiazemski. Adaptation, Victoria Cario. Il y a, en Europe, les deux côtés du rideau de fer. Quatrième épisode, un beau mariage. Dans tous les cœurs sont avec nous. Ne leur donnera pas jamais. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Printemps 46. Claire, fille du célèbre écrivain François Mauriac, vit à Berlin où elle est chargée de rapatrier les prisonniers de guerre français. Elle y rencontre Ivan Wiazemski, un officier français d'origine russe que tout le monde appelle Via. Il tombe amoureux et désire se marier. Mais les parents de Claire s'opposent à cette union. Quand les deux jeunes gens arrivent enfin à les convaincre, tombe une terrible nouvelle qui pourrait tout remettre en question. Via est accusé d'avoir été membre de la Cagoule, un groupuscule d'extrême droite. Il risque son renvoi de l'armée. Berlin, le 28 mars 1946. À Madame François Mauriac. Madame, je viens d'apprendre qu'un de nos officiers part tout à l'heure pour Paris et veut en profiter pour gribouiller un petit mot que je n'aurais pas confié à la poste normale. Nous sommes, elle et moi, bien coupables vis-à-vis de vous. Claire est une fille dénaturée, et moi, en attendant le jour où je serai votre fils, même dénaturé, je suis tout bonnement un grossier personnage de ne vous avoir pas écrit. Mais nous avons tous les deux beaucoup travaillé, et aussi idiot que cela puisse sembler, j'ai déjà passé à Claire un de mes défauts, celui d'être superstitieux. Après nos lettres, un tantinet affolé du premier jour, nous n'osions pas, quand tout avait l'air de s'arranger peu à peu, vous rassurez trop vite de peur d'attirer sur nous de nouveaux malheurs. Une chose que je vous confirme, comme je l'ai écrit à Monsieur Mauriac au début de l'affaire, je refuserai, même malgré l'insistance de Claire, de me marier avant d'être fixé sur les résultats de l'affaire me calomniant. Deux mots sur notre vie ici. Claire a eu une mauvaise crise de foi, sans remède, et se plaint amèrement de ce que je la persécute parce que j'essaie de l'empêcher de fumer et de se coucher tard. Le temps est merveilleux et je la fais se lever à 6 heures pour monter à cheval à 7h30 du matin, ce qui l'obligera tôt ou tard à se coucher tôt. J'ai énormément de travail et Claire en profite pour me tyranniser par des mines de veuve éplorée, sous prétexte que je ne m'occupe pas assez d'elle. C'est vrai. Je m'excuse encore de mon silence. Je vous baise les mains et je voudrais vous dire toute ma respectueuse et profonde affection. Ivan. Tu es beaucoup trop gentil avec elle. Comment ça? Tu prends des gants, tu l'encourages à faire la bête, à ne rien comprendre. Je suis poli avec ta mère, c'est tout. Elle ne le mérite pas. Non seulement maman m'écrit 3 pages de reproches sur le fait que nous ne lui donnons pas assez de nouvelles. Non seulement elle continue à ignorer mon travail et semble considérer que je passe de trop longues vacances à Berlin, mais en plus, elle glisse dans ce fatras une phrase ambiguë. Quand elle dit « J'ai reçu la visite de Léon de Rosen » et qu'elle se contente d'un vague « Ça n'a pas bien marché ». Et de quoi parle-t-elle? De la visite qu'a faite Rosen au ministère pour arranger ton affaire? De sa conversation avec Rosen? Il n'est pas à son goût? Quant au PS, c'est le bouquet. Terminé, net pareil, par un laconique. Si le mariage a lieu, nous préférerions, ton père et moi, qu'il ait lieu à Paris. Alors qu'elle sait que notre voyage de noces se fera en Allemagne. Qu'elle sait à quel point nous tenons tous les deux à Berlin. C'est... invraisemblable. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Oh. Attends, viens. Tu vois toujours tout en noir, mon chéri. Mais... je te préviens, je veux une épouse optimiste et sans migraine. N'empêche, je n'ai pas signé par l'habituel votre petite Claire. Mais Claire tout court. Je crois que c'est la première fois. Je suis fier de toi. Un soldat de l'armée américaine chez nous se promène. Merci. Sur les boulevards pour bien se faire comprendre. Il a de la peine, il se démène. Quel corps magnifique! Quels officiers magnifiques! Je suis comme d'émotion. Ah, comme si tu n'avais pas remarqué, ils n'ont pas arrêté de te siffler. Ah bon, vraiment? Oh, si tu t'es rendu compte de rien, tu devrais t'acheter une paire de lunettes. Hein. Tiens, il y a une lettre. Ah, pour moi. De qui? C'est Rosen qui me fait parvenir la lettre qu'il a envoyée à mes parents. C'est intitulé « Différents aspects du problème mariage ». Oh, c'est sympathique. Verbeux, maniaque, peut-être utile, je ne sais pas. Mais nous, on te dira. Bon, des extraits alors, hein, parce que c'est très long. Alors, je passe sur le début. Ah, voilà. Il explique que le mariage doit avoir lieu le plus tôt possible, souligné, je lis, « raison sentimentale ». N'intéresse évidemment que Via et Claire qui seraient cependant reconnaissants qu'on la prenne en considération. « Raison théorique ». Fiançailles déjà assez longues, beaucoup de gens au courant, inutile de faire jaser les gens. Oui, mais le plus important arrive sur le choix du lieu de notre mariage. Je reprends. Berlin, avantage positif. 1. Ambiance sympathique, rien que des amis à Berlin, qui seraient tous incapables de venir à Paris et très déçus. Nombreux alliés. 2. Simplification à l'extrême de tous les préparatifs. Toute la division y participera. 3. Économie considérable. 4. Propagande française vis-à-vis des alliés, venus de Monsieur François Mauriac à Berlin. Possibilité qu'il y fasse une conférence. Paris. Avantage positif. Possibilité de rassembler l'arrière-ban des familles. Avantage discutable du point de vue de Claire et Via. Paris. Avantage passif. 1. Déception réelle de Claire et de Via. 2. Absence de presque tous les amis, français ou alliés. 3. Nécessité plus ou moins primordiale de faire un grand mariage, ce qui est rasant, coûteux, compliqué, source de vexation, gens qu'on oublie. Publicité fatale, que M. François Mauriac semble craindre à la suite de l'histoire. 4. Complication du point de vue du choix de l'Église. L'idéal serait soit un mariage dans les deux églises, soit mariage catholique, rite oriental. Les deux semblent plus difficiles à réaliser à Paris. Ouf. Alors les filles, vous en pensez quoi? Votre plaidoirie, monsieur de Rosen, nous a convaincus, ma femme et moi. Notre fille épousera Ivan, comme elle le souhaite, à Berlin. Je suis par ailleurs très curieux de rencontrer l'escadron de charme de la Croix-Rouge française. Si sexy, si... Pour vous, de la part de Princesse Vezimsky. On va vous laisser. Oui. Chez nous, on a coutume d'offrir un bijou en forme d'œuf pour célébrer les fêtes de Pâques. Le vôtre est modeste, puisqu'il n'a pas de pierre précieuse incrustée, mais simplement une croix orthodoxe peinte à la main. Mais c'est tout de même un Fabergé. Oh. Les femmes les rajoutent chaque année à la même chaîne. J'ignore combien possède votre future belle-mère, mais je parie qu'elle a retiré celui-là de sa collection pour vous en faire cadeau. Une manière délicate de vous introduire dans nos coutumes. Je sais que vous portez une médaille de la Vierge autour du cou. Voulez-vous que j'y rajoute ce petit œuf? Via sera si content. Je vais vous aider. Quelque chose ne va pas? Je crois que c'est vous qui devriez épouser Via, pas moi. Oh, Claire, comment pouvez-vous dire de pareilles sottises? C'est la vérité, Olga. Vous partagez la même langue, la même culture, la même histoire. Via et moi sommes sur deux planètes différentes. J'ai rencontré la mère de Via, Sophie Vezimsky, à la messe de Pâques, rue Daru. Nous avons bavardé, elle m'a raconté la visite surprise à son domicile, votre première rencontre avec elle. Via, qui est intelligent, s'est comporté là comme un sot, un absurde sot. Son amour pour vous le rend aveugle à une certaine réalité. Prévenu à l'avance, il vous aura magnifiquement accueilli. Néanmoins, il reste que ses parents sortent de 4 années de guerre et de privation, qu'ils sont pauvres et que ce sont pour toujours des déracinés. Voilà ce qu'il faut que vous sachiez. Merci. Et si on se tutoyait? Un grand homme, ce Mauriac. Le vendredi 5 juillet 1946, à 11h30, Claire monte les marches de l'église Notre-Dame d'Auteuil au bras de son père. Comme elle est jolie. Son sourire un peu crispé tente de masquer une douloureuse migraine, et aussi sa colère. Une colère qu'elle partage avec son père, Via, leurs deux familles et leurs amis. Parce que Via est de religion orthodoxe, l'église catholique a refusé de célébrer le mariage. Malgré l'intervention de François Mauriac, malgré sa notoriété, le jeune couple n'a droit qu'à une bénédiction. Pas dans la nef de l'église, mais à la sacristie, presque à la sauvette. Heureusement, dehors, les attendent foule d'amis et de passants. Magnifique. Oh. C'est mon œuvre. Ce mariage, c'est mon œuvre. C'est vrai. J'embrasse. Oui. Il a de la gueule, ce mariage. Merci, Dupuis. Merci. Merci vraiment. Une seconde cérémonie a lieu plus tard à la cathédrale orthodoxe russe Saint-Alexandre Nevski de la rue d'Aru. Claire sent enfin sa migraine s'éloigner et un début d'allégresse l'envahir. La beauté et la ferveur de cet office religieux effacent la mesquinerie du premier. Quelques regards à ses parents ont achevé de la rassurer. Ils semblent heureux de marier leur fille dans cette église et selon ce rituel. Tu fumes trop. Et toi, tu sens bon. Quel temps magnifique. C'est invraisemblable d'être aussi heureux dès le réveil. Je suis heureux parce que je t'aime, parce que tu es ma femme, et parce que nous sommes en voyage de noces. Quand nous serons de retour, nous devrions partir quelques jours avec les filles. Il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas un peu de vacances, elle aussi. Bonne idée. En septembre, pour profiter de l'arrière-saison. Sous le soleil de juillet, Claire et Via découvrent une Allemagne où la nature a repris le dessus. Les feuilles repoussent sur ce qu'ils imaginaient des arbres à jamais calcinés. Le matin de leur départ, leur hôtesse leur offre un chiot. Via décide qu'il s'appelle Vikuni et qu'il est désormais leur porte-bonheur. Berlin, 9 octobre 1946. Chère maman, pourquoi ne m'écrivez-vous jamais? J'ai vraiment l'impression que vous m'avez oubliée. Êtes-vous toujours à Malaga? La vendange a-t-elle été belle? Que fait papa? Maintenant, parlons de moi, puisque vous me le demandez. Je crois en effet que j'attends un enfant, mais je n'en suis pas du tout sûre. C'est pour cela que je ne voulais pas vous en parler, et je vous supplie de ne le dire à personne. Je commence mon deuxième mois sans règles. Si c'est le cas, je ne suis pas à plaindre, car si j'ai un petit fond continuel de mal de cœur, je n'ai jamais eu de véritable nausée. Je ne sais pas encore moi-même si je serai très contente. Pour le moment, je suis désespérée d'avoir un corps sans réaction devant la vie. Plus envie de courir, plus envie de m'amuser. Mon corps ne sent plus la vie, sa vie propre. Je ne le reconnais plus et j'ai l'impression qu'il est mort, dévoré par quelque chose d'inconnu qui, que je le veuille ou non, me prend tout. Et pour le moment, je suis jalouse de ce rien du tout qui va me déformer et je déteste à l'avance ces 9 mois où je me serais perdue pour peut-être ne jamais me retrouver. Et puis, brusquement, je vois un gosse et je suis folle de joie. Au fond, je manque d'imagination. Je ne peux pas donner une figure et une âme à ce que j'éprouve en ce moment. Et puis, où le mettre, cet enfant? Où serons-nous dans 9 mois? Je ne me vois pas circulant dans les escaliers du 96 en uniforme et en gros ventre. Je ne voudrais pas non plus vous envahir avec toujours ce gros ventre devant moi. Et surtout, il me faut un endroit où poser ce gros ventre quand il n'en pourra plus d'être gros. Alors il me faut à moi aussi un appartement. Je n'ai aucune idée des prix. J'aimerais tellement avoir un endroit à moi où l'attendre et où le mettre. Fini pour ce soir. Je vous embrasse de toutes mes forces. Serez-vous contente d'avoir un petit-fils? Embrassez très fort pour moi papa, Claude, Jean et Luce. À très bientôt ma maman. PS, je ne suis pas encore habituée à mon nouveau nom. Où est mon si adorable nom de Mauriac? Et vous ne parlez pas russe donc? Vous n'êtes pas très cosmopolite? Pas vraiment, non. Mais bien décidée à le devenir, je suppose. Pas du tout. En tant que princesse Vyazemsky, vous devez apprendre au moins 3 langues. Le russe surtout est important, car vous devrez le parler à vos futurs enfants. Claire a décidé d'apprendre le russe. Oui. Elle s'y met 7 semaines. Au fait, je suppose que vous êtes fière de devenir princesse et très décidée à faire honneur à votre rang. Je me trompe? Claire se fiche complètement de devenir princesse. Claire est la fille d'un écrivain célèbre, François Mauriac. Oh, savez-vous que chez nous aussi on écrit? Ma mère met la dernière main à ses mémoires. Ma sœur Missy a tenu un journal et remarquable jusqu'à son mariage. Et moi, je compte aussi plus tard écrire mes mémoires. Et je ne vous parle même pas des lettres que nous échangeons et qui sont très amusantes. Je ne vous parle pas des lettres que nous échangeons et qui sont très amusantes. Oh mon Dieu! Via ira tout seul la voir dans son château, cette prétentieuse. Ça, c'est certain. Les filles, j'ai quelque chose à vous dire. C'est invraisemblable, mais je suis enceinte. Zum ersten Mal nach 14 Jahren fanden in Berlin freie Wahlen statt. Es wurden die Bezirksverordneten und die Stadtverordneten gewählt. Berlin gab sich damit eine neue Stadtregierung, die anstelle der von den Alliierten eingesetzt wurde. L'ambulance transporte 4 hommes que les Soviétiques, après des négociations particulièrement longues, ont finalement consenti à livrer à la Croix-Rouge. 2 Belges, 1 Français et 1 jeune Grec. C'est pour ce dernier que Claire a tenu à être présente aux côtés de Roland. Il lui semble qu'elle n'a jamais autant souhaité sauver une vie humaine. Qu'elle ne s'était jamais donné autant de mal pour convaincre Via d'abord, puis par son intermédiaire, les autorités du camp de prisonniers où il a été signalé. On sait peu de choses sur ce garçon d'environ 18 ans. Capturé par les Allemands, puis considéré comme leur complice par les Soviétiques. Donc destiné à être déporté. Sans jugement. Sans personne qui puisse l'innocenter. Il est tuberculeux. Il est vraiment mal en point. Il n'y a plus de place dans aucun hôpital. Essayons tout de même celui-ci. Oui, t'as raison. Essayons. Depuis la veille, la température est tombée en dessous de 0. Une mince couche de glace recouvre le sol. Claire contemple, accablée, les immeubles toujours en ruine de ce quartier de Berlin et cède à un moment de découragement. elle attend un enfant. Un jeune garçon va mourir près d'elle sans qu'elle ne puisse rien tenter pour le sauver. Rien tenter ? Vraiment ? Être près de lui au moins. Ne pas le laisser seul avec la peur de mourir. Ça va aller, tu vas voir. Il faut simplement tenir encore un peu et ça va aller. Ils n'ont plus de place non plus. Retournez voir. Insiste. Toi, tu baragouines dans plusieurs langues. Chaque minute compte si on veut qu'ils vivent. D'accord. Mon Dieu, tu trembles de froid. Ça va aller. Ça va aller. Tu sais que j'étais en Grèce ? C'était avant la guerre, avec toute ma famille. On avait fait une croisière. C'était magique. Le ciel était d'un bleu invraisemblable. Je n'avais jamais vu un tel bleu. Le ciel de ton pays n'a rien à voir avec celui de Paris. Est-ce que tu connais Paris ? Il faut que tu y ailles un jour. Je veux que tu y ailles un jour. À Paris, le ciel n'est pas bleu comme chez toi. Chut. Ne parle pas. Tu risques de t'épuiser. Écoute-moi. Réchauffe-toi, repose-toi et écoute-moi. Tu vas t'en sortir. Tu vas retourner en Grèce. Et un jour, tu voyageras à Paris. Il fait froid ici, hein? Vois-tu, c'est parce que les ambulances de la Croix-Rouge ont été conçues pour la guerre de Libye, avec ses bâches en toile. Avant, pendant la guerre, on avait de petits Amilcar. T'aurais dû me voir au volant. J'avais fière allure. Claire, c'est bon, Claire. Voilà, tu es sauvée. Tu es sauvée. Je lui ai promis de venir le voir, chaque jour, jusqu'à ce qu'il aille mieux. C'est bête de s'attacher comme ça à un gosse inconnu, s'il ne s'en sort pas. Non, Clarinette, c'est normal. Et c'est bien ce qui rend notre travail si douloureux. Il va s'en sortir. C'est comme un engagement entre nous. Comme s'il me l'avait promis, quand on luttait tous les deux à l'arrière de l'ambulance. Il va s'en sortir. C'était « Mon enfant de Berlin » d'Anne Wiesimski. Adaptation Victoria Cario. Quatrième épisode « Un beau mariage » avec Aurélia Petit, Claire, Julien Honoré, Via, Pauline Ziadé, Martine, Céline Milia Baumgartner, Mistou, Mélanie Bestel, Roland, Agathe Le Bourdonnec, Plumette, Joachim Salinger, Léon de Rosen, Larissa Cholomova, Olga, Aliona Kurepov, Tatiana, et Anne-Claude Romary, la narratrice. Et les voix de Tibor Radvani, Bojana Orakova, Vladimir Kodravtsev, Mathias Simon, Christina Krivilen, Cécile Arnaud, Guillaume Desmarchelier, Louis-Marie Audubert, Madeleine Meignier, Duncan Evenou, Gavin McDonough. Chœur orthodoxe sous la direction de Serge Rebinder, accompagné d'Ivan Fiedler, Tatiana Sologoub et Clémentine Rebinder. Remerciements à Alexis Chrysostalis. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Renaud Fleuzin-Rosic, Marie le peintre, Pierre Mine. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Laurence Courtois. Mon enfant de Berlin d'Anne Wiesimski est publié aux éditions Gallimard.